pour pas plonger dans les ruisseaux. Ah, que je voudrais être grenouille. Il n'y a personne. On va commencer demain. À demain. 10h, 2h. Recommencez vos numéros demain à 10h, 30 minutes pile. Sinon, je vous fais une application du téléphone. Interurbain. 10. Régional. 15. Renseignement. 12. Réclamation. 13. Télégraphe. 14. Police secours. 17. Pompier. 18. Dérangement. 19. Mais tous ces numéros sont valables que sur le cadre automatique. Sinon, police. 17 ou 30, 30, pompier 18, 29, 29. Jour de pluie. Maman a peur que je me mouille. Reste là. Il pleut à plein seau pour pas plonger dans les ruisseaux. Que je voudrais être grenouille. Bon, aujourd'hui, vous récitez une récitation qui s'appelle Les Lutins. De Marie-Louis Jules. Je vais dans la cuisine, un petit lutin vert, appliquer la bassine et mettre le couvert. Je vis sur une échelle, un petit lutin bleu, verser un vermicelle dans mon pot-au-feu. Je vis dans la table pleine de la petite lutin noire, jouer de la trompette dans un entonnoir. Alors toute une petite troupe de petits lutins gris se en poussant de grands cris. Terminez s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une autre chanson qui s'appelle Le Pommier. Il faut plus d'une pomme pour remplir un panier. Il faut plus d'un pommier pour que chante un verger. Mais il faut Mais il ne faut qu'un homme pour un peu de bonté, louillette comme vous. J'entends la musique de mes rêves, celle dont seul toi j'entends pour me réveiller. Je vais pouvoir chanter, danser et rire comme toutes les autres poupées et entendre ce jeune garçon jouer de cette musique. Écoutez-la bien. Ce jeune garçon m'a lancé. Je vais la ramasser tout de suite. Oh, qu'elle est belle. Je la prends contre mon cœur pour pouvoir vivre longtemps. La musique de ce côté par exemple, elle est par là, et de ce côté rien, c'est vraiment de ce côté. Petit garçon, veux-tu me crier pas pour que je puisse danser? La musique. ce côté. Pas le moindre bruit, nous là non plus. Mais ce côté-ci, toujours rien. Et là, toujours rien. Je suis perdu. Je me rendors comme toutes les poupées qui entendent plus cette musique. De nuit, je vais partir au paradis. Le paradis des poupées. En gardant naturellement cette rose sur mon cœur. Le fils du roi s'en va chassant. Le fils du roi s'en va chassant. Avec son beau fusil d'argent. Avec son beau fusil d'argent. Avec son beau fusil d'argent. Il a tué mon canard blanc. Avec son beau fusil d'argent. Il a tué mon canard blanc. Il a tué mon canard blanc. Au fil du bois, tu es méchant. Le bon vent, le vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, le bon vent, il m'appelle le bon vent, présenter. C'est fini. C'était un récital unique en son genre, improvisé par l'ensemble des musiciens de cette grande maison, en la présence de Monsieur le Président Lionel. Lionel dit les grands pieds. En présence de Monsieur Franck dit les grandes oreilles. Et en présence de Mademoiselle Valérie dit les grands yeux. C'était la fanfare du club de l'allée Anatole France, palais de la mairie à Bagneux Seine, avec il y a Lionel qui rigole en face de moi, il ne peut plus se retenir, très particulièrement sa culotte.